Maintenant avec un groupe qui s'appelle Cortège, ça fait partie des autoprods qu'on reçoit régulièrement. Un grand canon. Je sois bien sûr.